probably take her. Donne-moi ton corps juste une fois. Y'a de quoi fumer et des bouteilles. Ici on pense qu'à ravitaille. Non, je peux pas tomber dingue. Donne-moi ton corps juste une fois. Hey, je te fais quitter pas du game. Cette pute je la ken, ça sera pas son aim. Ça va en fou à la fin des choses. Bitch, je bois avec ce game. Je reste bouche bée, je n'ai plus les mots. Je reste dur jusqu'à pas d'heure, les oiseaux chantent. Ramène-nous ta bande. Devant mon game, tu trembles. Fais-moi la passe, boy. J'suis devant les cages. En cachant mes confrères. Mes calculs, tu comprends. Hein. Et laisse-moi te baiser juste une fois. Et toi, t'es fraîche que sur Insta. Je la baisse dans la Benz. Bitches me dit que c'est son rêve. Assume une G-Pasta. Wow, keep la hashtag, c'est steak. Y'a pas game, y'a pas star. Kiss pour ta copine sur Snap. Fainéant, je fais pas des phares. Je peux niquer mes phalanges.